on allait faire l'exercice avec des cavaliers qui étaient sans monture, parce qu'on commençait alors à apprendre le travail du sabre avant de leur faire monter sur leurs chevaux, parce qu'ils auraient pu couper les oreilles à leurs chevaux. Ils faisaient des moulinaires, alors on était derrière, on avait des bâtons, ils faisaient des moulinaires pareils. Non, vous ne chassez pas. Non, penses-tu, mais on était partout, on suivait tout, on portait le fusil des types qui ne demandaient pas mieux. D'ailleurs, les troufions, ils avaient leur sac avec leurs affaires, ils avaient leurs cartouchières pleines de cartouches, ils avaient des grenades, ils avaient leurs fusils. Alors nous, on prenait un fusil pour les aider, on allait les accompagner jusqu'au village voisin, et on leur rendait leurs fusils parce qu'on ne peut pas aller plus loin, on retournait à pied. Enfin, il y avait tous ces événements. Mais c'était inattendu pour des écoliers qui auraient été à l'école, pour nous, c'était des belles récréations, quoi. Et puis on s'est variés, quoi.